Mitch Palavas, enculé. Mitch Palavas, enculé. Dégoûte les gens des antifas. À toi seul, tu dégoûtes les gens des antifas. Mitch Palavas, enculé. Chansons